C'est très, très tranquille dans le monde du sport ce matin. On va quand même parler qu'au Club de golf de Saint-Prime, on est très, très heureux, évidemment, du côté du Saint-Prime Open qui a été présenté en fin de semaine. On pense qu'on va être bon pour dégager un profit net, explique le président Martial Bouchard. Bon, je suis convaincu qu'on va dégager un surplus, contrairement à l'année passée. Ouais. L'année passée, on avait investi peut-être... on avait des dépenses qui étaient peut-être superflues. On a voulu mettre ça vraiment au goût du jour. Puis cette année, ben, on est allé un petit peu plus sobre et avec des activités plus aérées, ce qui a permis de dégager des surplus. Je veux pas le montant, là, mais ça n'a pas coûté de l'argent, le week-end golf. Ça, c'est bien entendu. OK. 10 mois maintenant. Donc, c'est un beau partenariat. C'est pas mal le fun. L'activité de Marcel Bouchard, dans un deuxième temps, est très heureux de l'annonce faite par la MRC Domaine du Roi d'un montant de 35 000 $ par année sur 4 ans, un montant récurrent qui va revenir toutes les années, fait par la MRC au club de golf de Saint-Prime. Ah oui, on est très heureux. Écoute, ça démontre que les élus de la MRC, là, font vraiment des gestes cohérents avec leur vision de la MRC d'être le plus attractif et hautement distinctif. Donc, le club de golf est un outil essentiel au développement d'une MRC, l'attraction de nouveaux talents. Donc, les gens ont pris ça en considération et ils nous ont donné un coup de main qui va permettre là d'une stabilité, je te dirais, là, d'assurer la pérennité du club. Au lieu de 5 ans, là, peut-être qu'on va faire un 10 ans là, ça, avec les paramètres financiers qu'on a actuellement. Et évidemment, on va rechercher encore d'autres solutions de maximiser l'utilisation du club. Nous autres, on a du temps et de l'espace, donc il faut maximiser ça. Donc, on est ouvert à toutes sortes de projets qu'on pourrait éventuellement là, réaliser. Je termine avec du soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues hier. Il y a un match, entre autres, des gains de Saint-Félicien 7-1 dans la catégorie U16 sur Dolbeau-Mistassini. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai parlé avec Louis Barbeau où on a fait le bilan du côté du Tour de France qui s'est terminé dimanche sur les Champs-Élysées. Également, je me suis entretenu aussi avec Serge Cloutier où on parle de la victoire de Jordan Spieth au British Open. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.